La nuit s'éclaire au feu des torches. Les murs d'acier, les feux et sautés d'un souffle. Cowboy des plaines, dans Russ je règne. Chagré des crimes, ma légende ancienne. Ces quatre sur la pierre, les flammes éclatent. Les cris résonnent, les défenses s'écrasent. Un duel moderne, canon contre canon. Far West dans Rust, ma loi, ma raison. Les tourelles grondent, leurs balles sifflent fort. Mais je me faufile, cowboy de la mort. Des coffres explosent, des rêves qui brûlent. Dans la poussière, mes ennemis reculent. Boom goes the wall, the cowboy rides. Rust turn red where my fire collides. Rider skills raid, no soul is spared. Take it all cause the law ain't shared. Charge le tonneau, vise la porte. Reload ton colt, que la nuit s'emporte. Deux voix rugissent dans l'orage. En feu, un western brutal. Méchant et vieux, je vois leur silhouette courir dans la nuit. Leur cri s'étouffe, leur arme s'enfuit. Un cowboy rugit au milieu du fair. Rider skill grave son nom dans la guerre. Boom goes the wall, the cowboy rides. Rust turns red where my fire collides. Rider skills raid, no soul is spared. I take it all cause the law ain't shared. Sous la lune je marche, les coffres ouverts. Chaque arme pilée, c'est mon univers. Les flammes dansent, la poussière s'élève. Cowboy ou démon, nul ne se relève. L'acier s'effondre, les fondations craquent. Les torches s'éteignent, la terre se fracasse. J'entends ma voix rouler comme tonnerre. Rider skill règne et nul ne peut s'y faire. Boom goes the wall, the cowboy rides. Turns red where my fire collides. Rider skills raid, no soul is spared. I take it all cause the law ain't shared. Cowboy s'élève et tout tombe en poussière.